L'on verra. Quelqu'un de très intelligent, hein, très intelligent. Eh bien, la tache qui est rouge par terre, t'es belle, on verra. Oh, il s'essuie les pieds tous les jours dessus. Non, le mec, un fumier au niveau humain, mais au niveau professionnel, il a fait son job. Après, si demain je le croise dans la rue, et si malheureusement j'ai un gros postillon qui lui arrive dans le visage, ce sera accidentel, mais bon, je sourirai quand même. Mais voilà, au niveau professionnel, il a fait son job. Il a mis des cons à la place des chefs, pour que toutes les décisions soient foireuses, comme ça, ça plombe le coût du sachet de l'usine de Gemenos. Je suis syndiqué maintenant parce que j'étais de droite. J'ai voté Nicolas Sarkozy la première fois. Ça, il faut la couper, non? Oh, mais tout le monde le sait, tout le monde le sait. J'ai été élevé dans la droite, donc bien sûr, ne connaissant que ça, pour moi, c'était la droite, bon. Puis je me suis rendu compte que la droite, ils sont jamais venus ici. Il n'y a que les mecs de la gauche qui sont venus. Il n'y a qu'eux qui nous ont donné des contacts, qu'eux qui nous ont donné des avis ou des aides. Et les chiens, ils savent qu'ils le frappent et qu'ils étalent la mer. Hein. Eh ben oui, la droite, elle n'est pas pour les ouvriers. Je préfère le préciser. Hein. S'il y en a qui votent à droite et qui sont ouvriers... Mais vous parlez tout le temps, on se croirait au théâtre. Ça distrait, puis c'est reposant. Vous ne me prenez pas au sérieux. Mais vous parlez tout le temps, on se croirait au théâtre. Bienvenue sur la chaîne de podcast du Théâtre de Belleville. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait interprété par Philippe Durand de la pièce 1336 Paroles de Fralib, qu'il a lui-même écrit et mis en scène. Dans la suite du podcast, Philippe Durand nous parle de l'aventure des Fralib, ouvriers de l'usine de Gemenos qui ont lutté contre le géant industriel Unilever. Il nous parle de sa rencontre avec eux, micro en main, et il nous parle du besoin de transmettre leur langue brute et poétique. Pourquoi est-ce que tu as choisi cet extrait-ci ? Ah, j'en sais trop rien, je sais pas, c'est parce que c'est... Je réfléchis parce que en fait c'était un extrait que j'avais déjà choisi pour France Culture, quand il s'agit de France Culture, elle m'avait filmé sur un... avait demandé que je fasse un extrait face à la caméra et filmé dessus, donc j'avais choisi ce truc à l'époque. C'est un extrait dont les gens me parlent beaucoup, parce que c'est voilà, le mouvement de quelqu'un qui vote à droite pendant longtemps et qui ensuite, du fait de la lutte, va, voilà, une conscientisation politique, un truc qui fait qu'en tout cas ça va changer, ça va bouger. Voilà, et puis de toute façon ce mec il est assez passionnant et c'est souvent des extraits de son témoignage que je donne quand on me demande des extraits. Est-ce que tu peux résumer l'aventure des Fralib ? Oui, donc éléphant, c'est, les Fralib fabriquaient les produits éléphant et Lipton. Éléphant, initialement, c'est une marque marseillaise, je reprends tout, hein. C'est bien pour faire l'historique. Éléphant, c'est une marque marseillaise née à la fin du 19e. La marque elle-même est née au début du 20e, mais voilà, la société est née à la fin du 19e. Ça s'appelait Éléphant parce qu'ils avaient du thé qui arrivait d'Inde, sur lesquels il y avait des éléphants sur les sacs qui contenaient ce thé. Et la marque a été rachetée par Unilever en 74. En 75, elle a été... associé à Lipton dans Fralib, qui est la française alimentation et boisson, qui est une des filiales de Unilever. Pendant un temps, donc, Unilever a deux sites de production pour ses produits Lipton et Éléphant, un site de production au Havre et un autre site à côté de Marseille. Ils ferment celui du Havre en 98 en disant on va faire un gros pôle de production européen à Marseille. Conflit social, lutte et tout, et puis donc l'entreprise, l'usine ferme, l'usine du Havre ferme, et pour conserver leur emploi, 54 familles vont descendre du Havre à Marseille et se retrouver 12 ans plus tard, donc 98 fermeture du Havre, 2010 fermeture de Marseille pour délocaliser cette fois-ci en Pologne. Donc les familles du Havre avaient fait ce changement, donc assez conséquent, assez important, hein. C'est vraiment une autre culture. Le Havre-Marseille, c'est un sacré trajet pour conserver leur emploi. Et en fin de compte, en pensant que l'activité allait être pérenne et que leur emploi allait rester pérenne aussi. Et en fin de compte, voilà, 12 ans après, ils se font virer, enfin, ils se font fermer en tout cas. Et aujourd'hui, Éléphant est une marque française qui est fabriquée uniquement en Pologne et un petit peu en Belgique. Suite à la fermeture de l'usine de Marseille, les ouvriers se sont opposés à cette fermeture pendant 4 ans, lutte syndicale, lutte des actions diverses et variées, occupation d'usines, lutte juridique, puisque il y a eu 4 PSE qui régulièrement ont été invalidés par les tribunaux. Plan de sauvegarde de l'emploi. Merci. Plan de sauvegarde. J'ai toujours le plan de sabotage de l'emploi dans la tête, qui était leur façon de dire les choses. Donc, plan de sauvegarde de l'emploi, effectivement. Et au bout de près de 4 ans de lutte, donc de 1336 jours de lutte, les 1336 jours, c'est entre la fermeture de l'usine à Marseille et la signature de l'accord de fin de conflit avec Unilever. Au bout de ces 1336 jours, ils signent donc un accord de fin de conflit avec Unilever et avec des aides, des formations, un peu de capital, de trésorerie pour démarrer leur scope et travailler en coopérative et avec une nouvelle marque. Ils ont, pendant toute la lutte, essayé de garder la marque éléphant, mais ça, bien sûr, Unilever n'a pas lâché. C'était trop de crédit à porter à leur nouvelle coopérative. C'était partir avec trop d'avance, quoi. Donc ils sont partis à zéro et ils ont créé leur marque, 1336. Donc 1336, c'est le pari qu'ils tiennent pour l'instant de faire vivre cette nouvelle marque. Pour l'instant, ça se passe pas mal. Après, il y a des réussites comme ça et puis il y a des échecs. Il y a des difficultés qu'ils éprouvent parce que forcément, ce type d'aventure ne plaît pas à plein de gens. Donc il y a pas mal de gens qui leur mettent des bâtons dans les roues, mais voilà. Pas rentrer dans les détails de ça, ça serait aussi long, il y a plein de choses à raconter. Mais... Est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours, sur ce qui t'a amené Mon parcours, alors ce qui m'a amené à faire ça, c'est plusieurs choses. Ce projet est un peu la conjonction de plein de choses qui m'ont intéressé jusque-là. D'une part, il y a la singularité de la parole, mon attrait, mon intérêt pour ces paroles populaires, qu'on va qualifier de populaires, paroles de rue, paroles de... en tout cas, parler singulier, que ce soit dans le rythme, dans la musicalité, c'est des choses qui m'ont toujours intéressé. Donc là, mon travail a été de... Donc je suis allé enregistrer les interviews et je me suis vraiment inspiré du rythme, de la musique, de la parole pour les transmettre. Même dans l'écriture, je conserve vraiment l'oralité, je conserve les répétitions, les approximations, les mots inventés, conserver l'oralité. Mon projet aussi est de faire entendre la parole des ouvriers, tout simplement, parole qu'on n'entend pas beaucoup. On fait toujours croire que l'économie est réservée uniquement à un petit nombre de sachants. Et là, voilà, c'est des ouvriers qui parlent d'économie politique et de politique de manière tout à fait sensée, et même plus que sensée. Et puis, enfin voilà, c'est... Des fois, on me dit que j'ai fait un travail de journaliste ou de sociologue, il y a un peu tout ça me passionne. C'est pas du tout le travail de journaliste ou de sociologue. Enfin, pas aussi poussé que le fond, mais il y a un peu de tout ça, voilà. C'est un travail de quoi, alors ? C'est mon travail qui est, moi, humain, sensible, avec mon intuition sensible, je vais aller vers ces gens-là. C'est mon choix est tout à fait arbitraire, il n'est pas du tout scientifique. C'est une intuition sensible qui m'amène vers ces gens-là, qui m'amène à choisir telle parole plutôt que telle autre. Parfois pour raconter une histoire, parfois parce que c'est avant tout le type de parole qui m'intéresse. Donc au-delà de ce qui est du sens qu'il peut y avoir à l'intérieur. J'ai rencontré, il n'y a pas très longtemps, à ce sujet-là, un compositeur qui compose des musiques à partir des sons du réel. Mais ce n'est pas de la musique concrète, c'est vraiment écrire avec des instruments une musique à partir de sons du réel et même à partir de la parole. Donc à partir de... Enfin, vraiment, du coup, par rapport à moi et mes intérêts, on est devenus vite copains, forcément. Et il me disait que dans ses parlers, dans le travail que je faisais, il y avait quelque chose de l'inconscient du réel. C'était facile de convaincre les ouvriers de te parler ? Il y a toujours des petites réticences parce que je suis venu interviewer les gens avec un enregistreur. Donc j'avais beau dire que c'était pour un projet théâtral. Tu es avec un enregistreur, tu es pris un petit peu pour un journaliste. Donc comme ils ont eu parfois des difficultés avec ce que les journalistes ont pu dire de leur lutte... Des fois, il y avait un petit peu de méfiance, mais ça s'est vite évanoui. Mais ça a été assez simple. Pour ceux qui voulaient me parler, bien sûr. Après... Quand ils étaient lancés, finalement, après... Ah ben, après, je les interviewais dans un moment un peu singulier pour eux. Ils avaient gagné depuis presque un an. C'était quelques jours avant le lancement de leur marque, mais la coopérative n'avait pas véritablement démarré. Les boîtes et les sachets ne sortaient pas encore, les machines n'étaient pas reparties. Donc ils avaient, après 4 ans de lutte, traversé plus de 10 mois de construction de la SCOP, mais qui était plus dans le théorique que vraiment dans le pratique. Donc eux, leur rapport direct qu'ils ont, c'est quand les machines tournent, c'est là où ils sont, où il y a le concret de de leur travail. Mais ils étaient dans un moment un peu une espèce de no man's land dans lequel ils avaient du mal à évoluer, en fait. D'accord. Certains me le disent d'ailleurs. Et tu les interviewais durant leur temps de travail? Ouais. Oui, j'étais, en tout cas j'étais dans l'usine, oui. Okay. C'était oui. Bah, c'est pour ça qu'ils avaient un petit peu de temps, parce qu'il y avait plein de choses qui ne se faisaient pas tout de suite. Enfin, pas tous d'ailleurs, parce qu'il y en a qui ont vraiment pris sur leur temps de travail, oui, bien sûr, pour me parler, ouais. Qui étaient débordés et qui ont vraiment pris sur le temps de travail. Mais après, au début, ils me donnent un quart d'heure, et puis finalement, ils me parlent trois quarts d'heure. D'autres me disent, oui, on a une heure, et puis on a parlé trois heures. Enfin, voilà. Mais après, c'était soit dans un bureau, soit dehors, sous un arbre, soit... dans un couloir, dans une salle de commune, une salle de réunion, on trouvait toujours un lieu, mais c'était dans l'usine. Tout s'est fait dans l'usine. Initialement, je pensais aller chez eux, mais tout s'est fait dans l'usine. Ouais. D'accord. Et donc, du coup, tu les as enregistrés, tu as retranscrit leurs paroles que tu as laissées telles quelles. Ouais. J'aimerais même parler de l'écriture, à proprement parler de la reconstruction du récit. Comment est-ce que tu as fait ta sélection? Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est des choses très difficiles à définir. Je l'ai fait de manière sensible, donc je l'ai fait sans... J'ai fait tout ça tout seul, donc il y a des moments, quand on a plusieurs, on peut arriver à formuler et dire pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Moi, il y avait... Bon, déjà, d'une part, j'ai dans un premier temps retranscrit ce qui me semblait potentiellement intéressant, ce qui correspondait à une grosse masse textuelle. J'ai retranscrit donc mot pour mot, enfin, vraiment, comme je disais tout à l'heure, avec les moindres répétitions, les moindres interjections, les moindres pauses et tout. J'essayais vraiment d'écrire comme une partition qui pour moi, était simple à retransmettre. Mais du coup, c'est une organisation de caractère et d'alinéa qui, à moi, me parle. Donc, c'était vraiment pour moi que je l'ai écrit comme je l'entendais et comme je pouvais éventuellement le transmettre par la suite. Mais bon, ça, c'était une masse énorme. Et ensuite, il a fallu, une fois que j'ai dérushé, en quelque sorte, tous les interviews, ce qui représentait vraiment une grosse bible, que j'ai sorti d'ailleurs en papier, et ensuite il s'est agi d'organiser un texte qui constitue en gros un récit, mais oui, on peut dire ça comme ça. Et après, donc la première chose que j'ai construite a duré 4 heures, donc c'était vraiment trop grand, et pour moi c'était vraiment tout ce qu'il y avait d'indispensable. Après, il s'est agi donc de le réduire à 1h30, et c'est là où le choix, ce que j'ai dit tout à l'heure, des fois j'ai choisi parfois plus la parole en elle-même, la singularité de la parole et l'intérêt de cette parole brute, que l'événement qui était raconté. Après, pour me dégager d'un certain didactisme dans le texte, j'avais établi, dès avant d'organiser le texte, que je donnerais au spectateur une notice, que j'ai appelée comme ça, notice, avec les éléments chronologiques qui permettraient à celui qui ne connaît rien du tout de la lutte d'arriver avec un petit bagage chronologique qui lui permette de s'insérer dans la... Parce que j'entame direct avec des paroles d'ouvrier, sans prologue ou sans contextualiser la chose. Donc c'est ça, cette petite notice me permet de contextualiser et donc de ne pas être trop didactique dans l'élaboration du texte. Il y avait des choix à faire qui se font, voilà, sur le... Comment tu lis un passage à un autre, et c'est difficile de rentrer dans le détail, dans le pourquoi de ces choses-là. Par rapport à la mise en scène, à proprement parler, tu parles plutôt du dispositif d'ailleurs. Yes, oui, tout à fait. C'est juste une table, ton texte, des boîtes de thé, c'est une façon d'être le plus proche possible du public. Ouais, alors c'est la façon que j'ai trouvée pour être le plus proche de la parole des ouvriers. Il me semblait vraiment que cette parole était puissante, autant poétiquement, théâtralement, politiquement, si tu veux. Et que pour la faire entendre, c'était ce dispositif-là qui était le plus pertinent. Il me semblait que si moi, je me mettais à faire croire au spectateur, à vouloir faire croire au spectateur que j'étais le personnage, je perdais. Je perdais dans la qualité de la langue, je perdais dans la puissance de la langue. Donc j'ai choisi effectivement ce dispositif où j'assume totalement d'être... Il y a quelqu'un à chaque fois dans tous les lieux où je joue. Il y a quelqu'un du lieu. D'ailleurs, il faudra savoir qui le fera ici. Qui dit au spectateur, voilà, qui me présente et qui, c'est le début du spectacle, c'est à chaque fois le quelqu'un du lieu qui commence le spectacle et qui dit, me présente ce que j'ai fait. Philippe est allé interviewer les ouvriers de Fralib dans leur usine à côté de Marseille. Est-ce que vous allez entendre le résultat de ces entretiens? Ça, c'est le texte obligé que je donne à chaque personne qui présente le spectacle. Donc ça me permet de me poser, d'assumer totalement, moi, porte-parole, à prendre leur parole. C'est moi qui ai récolté leur parole et qui prend en charge leur parole et qui va la transmettre. Voilà. Donc je m'assume comme tel. Après, ça ne veut pas dire que c'est pas vivant et tout, mais il y a cette économie de moyens, ouais. T'as joué devant des publics super différents, je crois. Donc, dont des ouvriers notamment, mais aussi des électeurs de Laurent Wauquiez. Oui, je pense que c'est important de faire entendre à tout le monde, au plus de monde possible, ça c'est sûr. J'ai toujours plaisir à aller dans les milieux militants, mais c'est intéressant de confronter le texte à des milieux qui seraient, à des gens qui seraient moins, de manière évidente, en accord avec leurs paroles. C'était effectivement autour de Saint-Étienne, je suis allé dans des lieux, dans des petits villages. Donc effectivement, il y avait des gens qui avaient voté Wauquiez et qui ont aimé le spectacle. Bon, mais voilà, et même des gens d'extrême droite et autres. Mais parce que je pense que de toute façon, c'est beaucoup plus universel que juste un milieu militant. Et ce qui me plaît en tout cas beaucoup quand on parle de mon travail, c'est certaines personnes qui sont étonnées, qui me disent « mais en fait, ton... » heureusement étonnées, et qui disent « mais en fait, ton travail n'est pas militant. » Et je crois qu'effectivement, c'est plus universel que ça assène pas un discours, ni un message, ni ça veut juste faire entendre une expérience des ouvriers qui se sont coltinés une lutte, qui ensuite essayent de se dépatouiller à l'intérieur de ce que c'est qu'une coopérative, de réussir à concerner tout le monde, de la force du collectif qui peut aussi être parfois un boulet, parfois une des difficultés. Comment... Dans nos sociétés d'aujourd'hui, très individualistes, comment on fait exister un collectif, quelles sont les forces et les faiblesses du collectif, comment on s'en sort, réfléchir autour de ça, c'est ça qui est intéressant. Et ça, ça touche tout le monde, leur lutte, leur combat. Personne va dire qu'il est injuste, quoi. Ces multinationales, ces choix économiques absurdes qu'on subit tous dans tous nos métiers font qu'on est en pleine empathie avec eux, qui fabriquent par exemple, à une époque, ils font du tilleul pour Unilever, ils s'alimentent à Bulles-et-Baronnies dans le sud de la Drôme, tout près de Marseille, donc ils font vivre le local. Et du jour au lendemain, Unilever décide de s'approvisionner en Argentine parce que ça leur coûte moins cher. Donc le tilleul est récolté en Argentine, avec des salaires très très bas forcément. Il est transporté en avion à Hambourg, il est coupé en Allemagne, conditionné en Pologne et vendu aujourd'hui en France. Donc ces logiques-là, eux, aujourd'hui, font redémarrer la récolte du tilleul à Bulles-et-Baronnies. Donc ces circuits courts, ces relances de circuits courts sont justes. Enfin, ça paraît évident que c'est le bon sens. Donc ça touche tout le monde, en fait, c'est inévitablement. Même des gens qui ont été évoqués, c'est pas une histoire de couleur politique, en fait. Donc effectivement, le faire entendre, puis le faire entendre aux jeunes gens, c'est important. En plus de ta notice du début, donc dans un contexte chronologique un peu, tu fais toujours un petit discours à la fin. Ouais. Plus sur l'actualité, du coup. Bon, en fait, je veux juste à chaque fois... raconter ce qui s'est passé depuis que je les ai interviewés. Donc je raconte au public, ça dure toujours une petite 10 minutes, un quart d'heure, ce qui s'est passé depuis, ce qu'ils ont fait depuis que je les ai interviewés. Parce que moi, je les ai interviewés juste avant qu'ils lancent leur marque. Donc 15 jours après ou 3 semaines après, ils ont lancé leur marque 1336. Et donc je raconte ce qui s'est passé depuis, oui. Et t'es toujours en contact avec eux? Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. te tiennent au courant de... Je les ai de temps en temps au téléphone, et puis je suis en contact avec eux aussi du fait que maintenant je vends leur boîte après les représentations. Ouais. Puisque depuis que j'ai joué au Festival d'Avignon l'été dernier, comme ils étaient à côté et que... Il y en a un qui était venu pour faire un débat au théâtre où je jouais. Je leur ai demandé d'apporter des boîtes pour voir, pour dire, peut-être que j'en vendrai après les représentations. Et en fait, j'en ai vendu énormément. Donc depuis, j'essaye d'organiser, tant que faire se peut. Des fois, quand je vais une date dans un lieu, je viens avec peu, mais sinon, j'essaye d'avoir suffisamment de produits pour en vendre aux spectateurs après. Ça marche pas mal. Et là, à Paris, tu vas acheminer. Là, à Paris, je pense que je vais avoir des commandes à faire. Ouais. Il y a une question que je pose toujours, c'est parce qu'en fait, c'est aussi un podcast qui parle de la création théâtrale, aussi qui parle à la jeune création théâtrale. Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes compagnies qui commencent sur leur premier spectacle, leur première mise en scène? Ils auraient des choses à m'apprendre, puisque moi, à leur dire. Parce que c'est pas une vraie mise en scène, moi, ce que je fais, tu vois. Puis c'est un truc tout seul, tu vois, je fais un truc sur le collectif, mais mine de rien, je suis quand même tout seul, donc c'est un... Bon, non, j'ai rien de particulier à dire. D'accord. Pourquoi ce titre, 1336, Paroles de Fralib, et Paroles sans S, c'est Fralib avec un S? Mais c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est le côté Paris. Paroles de Fralib, c'est les 1336 jours et leur marque, surtout, c'est... C'est le pari de réussir à faire vivre cette coopérative, de réussir à faire vivre ce que tout le monde, le patronat et Unilever leur refusaient le droit de vivre. D'accord. De vivre sans patron. Et que ça réussisse, tout le monde les traitait comme des gauchistes, utopistes. Est-ce que tu peux rappeler quand et où joue 1336 bientôt? Au théâtre de Belleville, à partir du 7 mars jusqu'au 31 mai, du mercredi au samedi à 21h15 et les dimanches à 17h avec deux relâches, les 17 et 23 mars. Parce que le 17 mars, je joue à Mitry et le 23 mars, je joue du côté de Nantes. Okay. Donc tu vois. Merci.